Seigneur, honore-nous par ta présence et par ton esprit. Préparez nos cœurs à te louer. Et que notre offrande te plaise. Et que les paroles tournant de nos bouches viennent de ton esprit qui les dicte de notre fort intérieur. Et que ce moment de louange soit dédié à toi et à toi seul. Et comme un feu qui descend sur nos bras, l'esprit est venu de nous, honore Jésus. Amen. Oh, mon Dieu, mon sang. Je suis la massie à la pomme, alléluia. Régis, amis, j'ai dit. Elisa, mille, mon apôtre, c'est un zappé. Amis, t'es ma vie, ce qui a vos sangs, je la réponds, tu as saigné. Y'a mon Dieu, mon sang, mon ami. Solo Tito. On a tellement besoin de sa présence, tellement besoin de sa direction, de l'élan de sa gloire ce soir. Il y a solo dans la prochaine année. Il y a solo. Ce n'est pas juste pour donner l'apparence, c'est vrai. Nous te désirons ce soir. Nous te désirons, l'esprit de Dieu. Il y a solo. Oh, qui ti sa moto. Il y a solo. Ouya. Il y a solo. To sengi. Il y a solo. Babeli, babinga. Il y a solo. Bakanga mi bakangwa ma. Il y a solo. To sengi. Il y a solo. Sopa ke bolelo. Il y a solo. Sangolue. Yasolo, oh to sengi. Yasolo, namo ilola e fumbami. Yasolo, oh kembwe kiti. Yasolo, Mexico. Yasolo, na mitema moli mo akusala. Yasolo, na mayanga nyanelo. Yasolo, oh to tetoni. Yasolo. Alléluia, merci Saint-Jésus.